Chapitre 34. Les dés. De couloir en escalier, Ophélie et Gaël parvinrent au dernier étage du clair de lune sans croiser la route des gendarmes. Ce fut un soulagement de fermer la porte et de tourner la clé dans la serrure. Ophélie jeta le grand manteau de Thorn sur un siège, souleva la tenture du baldaquin du lit pour vérifier que Bérénilde dormait toujours, puis elle signala le divan à Gaël. La tante Roseline s'y agitait comme si elle était en proie à un mauvais rêve. « Un mirage a emprisonné son esprit dans une illusion, » murmura Ophélie tout bas. « Pouvez-vous l'aider à refaire surface ?» Gaël s'accroupit devant le divan et posa un regard scrutateur sur la tante Roseline. Elle la contempla un long moment à travers ses boucles noires, bras croisés, lèvres serrées. « Du solide, » maugréa-t-elle. « Toutes mes félicitations au chef, c'est du grand art. Est-ce que je peux me laver les mains? Je suis pleine de graisse. » Ophélie remplit la cuvette de Bérénilde et chercha du savon. Elle était si nerveuse qu'elle renversa de l'eau sur le tapis. « Pouvez-vous l'aider ? » répéta-t-elle d'une toute petite voix, tandis que Gaël faisait sa toilette. « Le problème n'est pas si je peux l'aider, mais pourquoi je l'aiderais ? C'est qui cette bonne femme d'abord ? Une amie de la dragonne ?» cracha-t-elle avec un regard méprisant pour le lit à baldaquin. « Dans ce cas, très peu pour moi. » Du fond de ses lunettes, Ophélie se concentra sur le monocle noir pour atteindre la personne qui se cachait de l'autre côté. « Croyez-moi, le seul tort de cette femme est de m'avoir pour nièce. » Ophélie surprit dans la nuit du monocle ce qu'elle espérait voir, une étincelle de colère. Gaël éprouvait une haine viscérale pour les injustices. « Apporte-moi un tabouret. » Gaël s'assit face au divan et ôta son monocle. Son œil gauche, plus sombre et plus insondable qu'un puits sans fond, se promena ironiquement sur les appartements de Bérénilde. Elle voulait faire profiter Ophélie du spectacle, lui montrer à quoi ressemblait ce monde une fois levé le rideau des illusions. Partout où se posait son regard, l'apparence des lieux changeait. Le tapis majestueux n'était plus qu'une carpette bon marché, l'élégant papier peint laissait la place à un mur infecté de champignons, les vases en porcelaine devenaient de simples pots en terre cuite, le baldaquin était mité, le paravent éventré, les fauteuils défraîchis, le service à thé ébréché. Si la trame des illusions se décousait sous le regard implacable de Gaël, elle se retissait sitôt qu'il se portait ailleurs. « Le vernis sur la crasse, » avait dit Archibald. Ophélie mesurait à quel point c'était vrai. Elle ne verrait plus jamais le clair de lune de la même façon après cela. Gaël se pencha sur son tabouret et souleva doucement le visage endormi de la tante entre ses mains. « Comment s'appelle-t-elle ? » « Roseline. »« Roseline, » répéta Gaël en appuyant sur elle une attention minutieuse. Ses yeux, l'un bleu, l'autre noir, étaient béants. Accoudée au dossier du divan, Ophélie se tordait les doigts d'inquiétude. Les paupières closes de la tante Roseline se mirent à frémir, puis le frisson se propagea au reste de son corps. Elle fut prise de tremblements violents, mais Gaël resserra son emprise autour de son visage, plongeant le faisceau accablant de son nihilisme sur lui. « Roseline, » murmura-t-elle. « Revenez, Roseline, suivez ma voix. » « Roseline !» Les tremblements cessèrent et Gaël reposa la tête cireuse sur son coussin. Elle bondit du tabouret, remit son monocle en place et piocha des cigarettes dans la boîte personnelle de Bérénilde. « Bon, je m'arrache. Renard n'y connaît rien en mécanique et les automobiles ne se réviseront pas toutes seules. » Ophélie était abasourdie. La tante Roseline reposait toujours au fond du divan, les yeux fermés. « C'est qu'elle ne paraît pas tellement réveillée. » Alors qu'elle s'allumait une cigarette, Gaël grimaça un sourire qui se voulait probablement rassurant. « Ça va dormir encore un petit bout de temps. Surtout, ne la brusque pas. Elle doit refaire surface. Et je te prie croire qu'elle revient de loin. Quelques heures de plus et je ne la repêchais pas. » Ophélie s'entoura le corps de ses bras pour réprimer les frissons qui la secouaient tout entière. Elle se rendait compte soudain qu'elle était brûlante. Sa côte semblait battre au même rythme que son cœur. C'était à la fois douloureux et apaisant. Est-ce que ça va ? Marmonna Gaël, inquiète. Oh que oui, assura Ophélie avec un faible sourire. C'est nerveux. Je n'ai jamais été aussi soulagée de ma vie. faut pas se mettre dans des états pareils. » Sa cigarette à la main, Gaël semblait complètement déconcerté. Ophélie remonta ses lunettes sur son nez pour pouvoir bien la regarder en face. « Je vous dois beaucoup. J'ignore de quoi l'avenir sera fait, mais vous trouverez toujours en moi une alliée. » « Évitons les belles paroles, » coupa Gaël. « Sans vouloir te chagriner, ma bichette, soit la cour te brisera net les os, soit elle les pourrira jusqu'à la moelle. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de fréquentable. Je t'ai rendu un service. Je me suis payé en cigarettes. Nous sommes quittes. » Gaël contempla la tante Roselyne d'un air songeur, presque mélancolique, puis elle pinça le nez d'Ophélie avec un sourire féroce. « Si tu veux vraiment me rendre service, ne deviens pas l'une des leurs. Fais les bons choix. Ne te compromets pas et trouve ta voie propre. On en reparlera d'ici quelques années, d'accord ?» Elle ouvrit la porte et pinça la visière de sa casquette. « À la revoyure !» Quand Gaël fut parti, Ophélie referma à clé derrière elle. Les chambres de l'ambassade étaient les plus sûres de toute la citatielle. Il ne pourrait plus rien arriver de préjudiciable à qui que ce soit ici, tant que cette porte resterait verrouillée. Ophélie se pencha sur la tante Roselyne et passa une main dans ses cheveux tirés à quatre épingles. Elle avait envie de la réveiller et de s'assurer qu'elle était bien revenue de son passé, mais Gaël lui avait recommandé de ne pas la brusquer. Le mieux qu'il lui restait à faire, c'était dormir. Ophélie bâilla jusqu'aux larmes. Il lui semblait qu'elle avait une vie entière de sommeil à rattraper. Elle arracha son bonnet de soubrette, défit son tablier, déchaussa ses souliers du bout des orteils et se laissa tomber au fond d'un fauteuil. Lorsqu'elle se mit à survoler les forêts, les villes et les océans, Ophélie sut qu'elle était en train de rêver. Elle parcourait la surface du vieux monde, celui qui ne formait qu'une seule pièce, aussi rond qu'une orange. Elle le voyait avec une profusion de détails, les ricochets du soleil sur l'eau, les feuillages des arbres, les boulevards des villes, tout lui sautait aux yeux avec une netteté parfaite. Soudain, l'horizon fut barré par un immense haut de forme, le chapeau grandit, grandit, grandit, et en dessous, il y avait le sourire aigre-doux d'Archibald. Il emplit bientôt tout le paysage, ouvrant entre ses mains le livre de Farouk. « Je vous avais pourtant prévenu, » dit-il à Ophélie. « Tout le monde déteste l'intendant, et l'intendant déteste tout le monde. Vous êtes-vous donc cru à ce point exceptionnel pour déroger à la règle ?» Ophélie décida qu'elle n'aimait pas ce rêve et rouvrit les yeux. Malgré la chaleur du calorifère, elle grelottait. Elle souffla contre sa paume qui lui renvoya une haleine chaude, un peu de fièvre. Elle se leva pour se chercher une couverture, mais Bérénilde et la tante Roselyne se partageaient déjà celle de la chambre. Ironie du sort, il ne restait pour Ophélie que le grand manteau de Thorne. Elle n'était pas orgueilleuse au point de le bouder. Elle retourna à son fauteuil et se roula en boule dans le manteau. Le carillon de l'horloge résonna, mais elle n'eut pas le courage de compter les coups. Le fauteuil manquait de confort, il y avait trop de monde là-dedans. Il fallait céder de la place aux ministres avec leurs moustaches arrogantes. Allait-il donc se taire? Ophélie ne pourrait jamais dormir avec tous ces verbiages. Et de quoi parlait-il? Du manger et du boire, évidemment. Il n'avait que ces mots-là à la bouche. « Les provisions viennent à manquer. Levons une taxe. Punissons les braconniers. Discutons-en autour d'une table. » Ophélie n'éprouvait que de la répugnance pour leur énorme ventre, mais aucun ne l'écœurait davantage que Farouk. Son existence même était une erreur. Ses courtisans lui jetaient de la poudre aux yeux, l'enivraient de plaisir et tiraient les rênes du pouvoir à sa place. Non, décidément, Ophélie ne pourrait jamais se reposer ici. Elle aurait voulu quitter cet endroit, aller dehors, le vrai dehors, avaler du vent à s'en vitrifier les poumons. Mais le temps lui faisait défaut. Le temps lui faisait toujours défaut. Elle siégeait à des tribunaux, des conseils d'assises, des parlements. Elle se mettait dans un coin, écoutait les avis des uns et des autres, délibérait parfois quand ses idiots se précipitaient tête baissée dans une impasse. De toute manière, c'était les chiffres qui décidaient. Les chiffres ne se trompent jamais, n'est-ce pas? Le potentiel des ressources, le nombre d'habitants, ça c'est du concret. Alors, ce petit grassouillet-là, qui réclame plus qu'il ne lui est dû, il repartira bredouille, maudira Ophélie sous cap, se plaindra d'elle, et puis c'est tout. Les plaintes, Ophélie en recevait une dose quotidienne. Elle ne comptait plus les ennemis. mais sa logique imparable l'emportait toujours sur leur interprétation tendancieuse du partage. Ils avaient déjà essayé de lui coller un greffier aux fesses pour vérifier, hein, si son intégrité était sans faille. Et il s'était cassé les dents, parce qu'il ne se fiait qu'aux chiffres. Ni à sa conscience, ni à l'éthique, seulement aux chiffres. Alors, un greffier. Quoique ce fût là une pensée bizarre, parce que Ophélie se rendit compte soudain qu'elle était elle-même greffière. Une greffière à la mémoire astronomique, désireuse de faire ses preuves, inexpérimentée, une jeune greffière qui ne se trompait jamais, et ça faisait enrager le vieil intendant. Il voyait en elle un insecte nuisible, une opportuniste prête à le pousser dans l'escalier pour usurper sa place. Quel crétin! Il ne saurait jamais que derrière ces silences butés, elle ne recherchait que son approbation et qu'une personne au moins se sentirait endeuillée le jour de sa mort. Mais ça, c'était bien plus tard. Pour le moment, Ophélie se tordait de douleur. Du poison. C'était si prévisible. Elle ne pouvait faire confiance à personne, sauf à sa tante. Allait-elle mourir ici, sur ce tapis? Non, Ophélie était loin de la mort. Elle n'était qu'une fillette qui passait ses journées à jouer au dé, seule et silencieuse, dans son coin. Bérénilde essayait par tous les moyens de la distraire. Elle lui avait même offert une belle montre en or. Mais Ophélie préférait les dés. Les dés étaient aléatoires, pleins de surprises. Ils n'étaient pas immanquablement décevants comme les êtres humains. Ophélie se sentit moins amère tandis qu'elle rajeunissait encore. Elle courait à en perdre haleine dans la demeure de Bérénilde. Elle essayait de rattraper un adolescent déjà bien bâti qui la narguait du haut des escaliers en lui tirant la langue. C'était son frère, Godefroy, enfin, demi-frère. Elle n'avait pas le droit de dire « frère ». C'était imbécile comme expression. Ce n'était tout de même pas une moitié de garçon qui galopait juste devant elle. Et ce n'était pas une moitié de fille qui, au détour d'un couloir, se jetait dans ses jambes en riant aux éclats. Ophélie aimait bien quand Bérénilde invitait Godefroy et Freyja, même s'ils lui faisaient parfois mal avec leurs griffes. En revanche, elle n'aimait pas quand leur mère venait avec eux et posait sur elle un regard écœuré. Ophélie détestait ce regard. C'était un regard qui déchirait la tête, qui torturait de l'intérieur sans que personne voie quelque chose. Ophélie crachait dans son thé pour se venger. Mais ça, c'était après, bien après la disgrâce de sa mère, bien après la mort de son père, bien après que sa tante l'avait prise sous sa protection. Maintenant, Ophélie joue à son jeu préféré avec Freyja sur les remparts, à cette rare période de l'année où il fait suffisamment doux pour profiter du soleil. Le jeu des dés taillés par Godefroy lui-même. Freyja les lance, décide de la combinaison des chiffres. Tu les additionnes, tu les divises, tu les multiplies, tu les soustrais, et puis elle vérifie sur son boulier. Le jeu en lui-même ennuie Ophélie. Elle l'aurait préféré plus corsé, avec des fractions, des équations et des puissances, mais de surprendre à chaque fois cette admiration dans l'œil de sa sœur, ça lui chauffe le dedans. Quand Freyja lance les dés, elle se sent enfin exister. Une alarme retentit. Ophélie battit des paupières, stupide, tordue dans son fauteuil. Tandis qu'elle démêlait les coulées de cheveux qui s'étaient prises dans ses lunettes, elle promena un œil hagard autour d'elle. D'où venait ce bruit? L'ombre endormie de Bérénilde était immobile derrière le rideau du baldaquin. La flamme des becs de gaz grésillait sereinement. La tante Roseline ronflait sur son divan. Ophélie mit un long moment à comprendre que c'était la sonnerie du téléphone qu'elle entendait. Il finit par se taire, déposant dans les appartements un silence assourdissant. Ophélie s'arracha de son fauteuil, raide de partout, la tête bourdonnante. La fièvre avait dû retomber, mais ses jambes étaient tout engourdies. Elle se pencha sur sa tante dans l'espoir de la voir enfin ouvrir les yeux, mais elle dut se résoudre à patienter encore. Gaëlle avait dit qu'elle referait surface d'elle-même. Il fallait lui faire confiance. Elle marcha d'un pas mou jusqu'au cabinet de toilette, retroussa les manches trop longues du manteau de torne, ôta ses gants, plia ses lunettes, ouvrit le robinet et rinça abondamment son visage. Elle avait besoin de se nettoyer de tous ses rêves étranges. Elle croisa son regard myope dans le miroir au-dessus du lavabo. Son pansement s'était décollé et la plaie à sa joue avait encore saigné. Ce fut quand elle remit ses gants qu'elle vit un trou par lequel pointait son petit doigt. « Ah, ça » murmura-t-elle en l'examinant de plus près. Voilà ce qui arrive à force de grignoter les coutures. » Ophélie s'assit sur le bord de la baignoire et contempla le manteau immense dont elle s'était enveloppée. Avait-elle lu les souvenirs de Thorne à cause du trou à son gant? C'était un manteau d'adulte et elle était remontée jusqu'à son enfance. Il devait y avoir autre chose. Elle fouilla les poches et finit par trouver ce qu'elle cherchait sous une couture de la doublure. Deux petits dés, maladroitement sculptés à la main. C'était eux qu'elle avait lus, bien malgré elle. Ophélie les observa avec nostalgie, une certaine tristesse même, puis elle se ressaisit en refermant le poing. Elle ne devait pas confondre les émotions de Thorne avec les siennes. Cette pensée la fit sourciller. Les émotions de Thorne. Si ce calculateur en avait eu un jour, il avait dû les perdre en chemin. Sans doute la vie n'avait-elle pas été tendre avec lui, mais Ophélie n'était pas disposée à se montrer compatissante. Elle se débarrassa du manteau comme elle aurait retiré une peau qui ne lui appartenait pas. Elle changea son pansement, traîna les pieds dans le petit salon et consulta la pendule. 11 heures. La matinée était bien avancée. Les dragons avaient dû partir pour la chasse depuis longtemps. Ophélie fut ravie d'avoir échappé à cette obligation familiale. La sonnerie du téléphone retentit de nouveau, tant et si bien qu'il finit par réveiller Bérénilde. « Oh diable, cette invention !» s'agaça-t-elle en repoussant le rideau de son lit. Bérénilde ne décrocha pas pour autant, ses mains tatouées s'envolèrent comme des papillons pour regonfler les ondulations blondes de ses cheveux. Le sommeil lui avait rendu une fraîcheur de jeune fille, mais il avait froissé sa belle robe de scène. « Faites-nous donc du café, chère petite, nous allons en avoir grand besoin. » Ophélie était du même avis. Elle posa une casserole d'eau sur la gazinière, faillit mettre le feu à son gant en grattant une allumette, puis fit tourner le moulin à café. Elle retrouva Bérénilde accoudée à la petite table du salon, le menton appuyé sur ses doigts entrelacés, les yeux plongés dans sa boîte à cigarettes. « Ai-je fumé à ce point, hier ?» Ophélie posa une tasse de café devant elle, ne jugeant pas essentiel de lui apprendre qu'une mécanicienne s'était servie dans sa réserve. Dès qu'elle prit place à la table, Bérénilde posa un regard cristallin sur elle. « Je n'ai pas un souvenir très étoffé de notre conversation d'hier, mais j'en sais suffisamment pour décréter que l'heure est grave. » Ophélie lui tendit le sucrier dans l'attente du verdict. « En parlant d'heure, où en sommes-nous ? » demanda Bérénilde avec un regard pour la pendule. « 11 heures passées, madame. » Cramponnée à sa petite cuillère, Ophélie se prépara à la foudre qui allait s'abattre sur la table. « Commandant, et l'idée de me tirer du lit n'a pas traversé un instant votre petite tête d'oiseau? Ignorez-vous à quel point cette partie de chasse était significative pour moi? Par votre faute, on va me traiter de faible, de bon à rien, de vieillarde. » Il n'en fut rien. Bérénilde plongea un sucre dans son café et soupira. « Tant pis. Pour être franche, j'ai cessé de penser à cette chasse à l'instant même où Farouk a posé les yeux sur moi. Et honnêtement, ajouta-t-elle avec un sourire rêveur, « il m'a épuisée. » Ophélie porta sa tasse à ses lèvres. C'était le genre de détail dont elle se serait volontiers passée. « Votre café est infect, » déclara Bérénilde en tordant sa jolie lèvre. « Vous n'avez décidément aucun talent pour la vie en société. » Ophélie devait reconnaître qu'elle n'avait pas tort. Elle avait beau ajouter du sucre et du lait, elle peinait à boire sa tasse. « Je crois que le chevalier ne nous laisse pas le choix, » reprit Bérénilde. « Quand bien même je vous donnerai un autre visage et une autre identité, cet enfant vous mettrait à nu en un clin d'œil. Le secret de votre présence ici est en train de s'effilocher. De deux choses l'une, ou bien nous vous cherchons une meilleure cachette jusqu'au jour du mariage. » Les ongles longs et lisses de Bérénilde pianotèrent sur l'anse de sa tasse en porcelaine. « Ou bien... vous faites votre entrée officielle à la cour. » D'un coup de serviette, Ophélie essuya le café qu'elle venait de répandre sur la nappe. Elle avait envisagé cette possibilité, mais cela lui coûtait de se l'entendre dire. Au point où elle en était, elle préférait encore jouer les valets de Bérénilde plutôt que les fiancés de Thorne. Bérénilde se renversa contre le dossier de son fauteuil et croisa les mains sur son ventre arrondi. « Évidemment, si vous voulez survivre jusqu'à vos noces, Cela ne peut se faire qu'à une condition, et une condition seulement. Il faut que vous soyez la pupille attitrée de Farouk. Sa pupille ? Répéta Ophélie en articulant chaque syllabe. Quelles sont les qualités requises pour mériter un tel honneur ? Dans votre situation, je crois que vous vous suffisez en vous seule, la railla Bérénilde. Farouk brûle de vous connaître. Vous représentez beaucoup à ses yeux. Beaucoup trop, en fait. C'est la raison pour laquelle Thorne a toujours catégoriquement refusé que vous le fréquentiez de près. Ophélie remonta ses lunettes sur son nez. Qu'entendez-vous par là ? Si j'en avais la plus petite idée, vous ne me verriez pas hésiter ainsi, s'irrita Bérénilde. Allez savoir avec Farouk, il est tellement imprévisible. Ce que je redoute, ce sont ses impatiences. Je lui ai caché jusqu'à ce jour votre présence dans sa propre citatielle. Savez-vous pourquoi ? Ophélie se préparait déjà au pire. Parce que je redoute qu'il vous essaie d'ores et déjà sur son livre. L'issue d'une telle lecture m'épouvante. Si vous échouez, ce dont je ne doute pas étant donné les déboires de vos prédécesseurs, je crains qu'il ne se laisse aller à un mouvement d'humeur. Ophélie renonça à terminer son café et reposa la tasse sur sa soucoupe. Vous êtes en train de me dire qu'il pourrait me punir si je ne lui apporte pas une satisfaction immédiate. Il ne voudra certainement pas vous faire souffrir, soupira Bérénilde. Mais je crains que la conséquence ne soit la même au final. Tant d'autres y ont laissé leur esprit avant vous. Et lui, enfant qu'il est, il regrettera trop tard, comme à l'accoutumée. Farouk ne se fait pas à la vulnérabilité des mortels, en particulier ceux qui n'ont pas hérité de ses pouvoirs. Entre ses mains, vous êtes un fétu de paille. Il ne serait pas un peu idiot, votre esprit de famille ? Bérénilde considéra Ophélie avec stupeur, mais celle-ci soutint son regard sans ciller. Elle avait vécu trop de choses dernièrement pour garder plus longtemps ses pensées pour elle. « Voilà le genre de propos qui écourteront votre séjour parmi nous si vous les lâchez en public !» l'avertit Bérénilde. « Qu'est-ce qui rend le livre de Farouk si différent de celui d'Artémis ?» demanda Ophélie d'un ton professionnel. « Pourquoi l'un serait-il lisible et l'autre non ?» Bérénilde haussa une épaule qui s'échappa de sa robe avec sensualité. « Pour être honnête avec vous, ma fille, je m'intéresse de très loin à cette affaire. Je n'ai vu ce livre qu'une seule fois et cela m'a suffi. C'est un objet parfaitement hideux et malsain. On dirait de la peau humaine, » murmura Ophélie. « Ou quelque chose qui y ressemble. Je me demandais si un élément particulier entrait dans sa composition. » Bérénilde lui adressa une œillade pétillante de malice. « Cela, ce n'est pas votre affaire. C'est celle de Thorne. Contentez-vous de l'épouser, de lui donner votre pouvoir familial et quelques héritiers au passage. On ne vous demande rien de plus. » Ophélie serra les lèvres piquées au vif. Elle se sentait niée en tant que personne et en tant que professionnelle. « Dans ce cas, que suggérez-vous que nous fassions ?» Bérénilde se leva, l'air résolu. « Je vais raisonner Farouk. Il comprendra qu'il doit, dans son propre intérêt, assurer votre sécurité jusqu'au mariage et surtout ne rien attendre de vous. Il m'écoutera. J'ai de l'influence sur lui. Thorne sera furieux contre moi, mais je ne vois pas de meilleure solution. » Ophélie contempla la lumière qui s'agitait à la surface de son café, perturbée par ses mouvements de cuillère. Qu'est-ce qui rendrait Thorne furieux en vérité ? Qu'on causât du tort à sa fiancée ou que celle-ci devint inutilisable avant même d'avoir servi ? Et ensuite, se demanda-t-elle avec amertume, quand elle y aurait transmis son don et qu'il en aurait usé, qu'adviendrait-il d'elle ? Sa vie au pôle ne se résumerait-elle donc plus qu'à boire du thé et faire des politesses ? « Non, » décida-t-elle en observant son visage renversé dans le creux de sa cuillère. « Je veillerai personnellement à nous construire un autre avenir. Ne leur en déplaise. » Le hoquet stupéfait que poussa Bérénilde tira Ophélie de ses réflexions. La tante Roselyne venait de se redresser sur le divan pour poser sur la pendule un regard bien aiguisé. « Nom d'une trotteuse !» pesta-t-elle. « Bientôt midi et je traîne toujours au lit !» Les idées noires d'Ophélie volèrent aussitôt en éclats. Elle se leva si précipitamment de sa chaise qu'elle la renversa sur le tapis. Bérénilde se rassit au contraire, les mains sur le ventre, éberluée. « Madame Roselyne, vous êtes bien là parmi nous ?» La tante Roselyne piqua des épingles dans son chignon défait. « Ai-je l'air d'être ailleurs ?»« C'est tout bonnement impossible. »« Plus je vous côtoie, moins je vous comprends. » marmonna la tante Roselyne, les sourcils froncés. « Et toi, qu'est-ce que tu as à sourire ainsi » demanda-t-elle en se tournant vers Ophélie. « Tu es en robe à présent ? C'est quoi ce pansement sur ta joue ? Chaperlotte, où est-ce que tu es allée t'accrocher ?» La tante Roselyne lui saisit la main et loucha sur son petit doigt qui semblait faire coucou à travers le trou. « Tu vas te mettre à lire à tort et à travers ? Où sont tes paires de rechange ? Passe-moi ton gant, que je te le ravaude. Et baisse donc ce sourire, tu me donnes froid dans le dos. » Ophélie eut beau faire, elle ne parvint pas à le ravaler. C'était cela ou pleurer. De son côté, Bérénilde ne se remettait pas de sa surprise tandis que la tante Roselyne sortait la boîte de couture d'une armoire. « Me serais-je trompée ?» Ophélie avait pitié d'elle, mais elle n'allait certainement pas lui expliquer qu'elle avait fait appel au service d'une nihiliste. La sonnerie du téléphone mural retentit à nouveau. « Le téléphone sonne !» fit remarquer la tante Roselyne avec son inébranlable sens des réalités. « C'est peut-être important ?» Bérénilde acquiesça, songeuse, sur sa chaise, puis elle leva les yeux vers Ophélie. « Répondez, ma fille !» La tante Roselyne, qui passait un fil à travers le chat de son aiguille, se décomposa. « Elle ? Mais sa voix, son accent ?» « Le temps des secrets est terminé, » décréta Bérénilde. « Répondez, chère petite. » Ophélie inspira. Si c'était Archibald, cela ferait un fameux prologue pour son entrée en scène. Mal à l'aise, elle décrocha le combiné en ivoire avec la seule de ses mains qui était encore gantée. Elle avait déjà vu ses parents se servir d'un téléphone quelquefois, mais elle n'en avait jamais utilisé un elle-même. À peine appuya-t-elle le cornet contre son oreille qu'un coup de tonnerre lui déchira le tympan. « Allô ?» Ophélie faillit lâcher le combiné. « Thorne ?» Un silence brutal se fit, entrecoupé par la respiration suffoquée de Thorne. Ophélie luttait contre l'envie de lui raccrocher au nez. Elle aurait préféré régler ses comptes avec lui, face à face. Si jamais il avait l'aplomb de se fâcher contre elle, elle l'attendait de pied ferme. « Vous ?» lâcha Thorne du bout des lèvres. « Très bien, c'est très bien. Et ma tante, est-elle près de vous ?» Ophélie écarquilla les yeux, des bégaiements aussi confus dans la bouche de Thorne, c'était pour le moins inhabituel. « Oui, nous sommes finalement restés toutes les trois ici. » Dans le cornet, elle entendit Thorne retenir sa respiration. C'était impressionnant de pouvoir l'entendre ainsi, comme s'il se tenait tout près, sans avoir son visage devant les yeux. « Vous voulez sans doute lui parler ?» proposa Ophélie d'un ton froid. « Je crois que vous avez beaucoup à vous dire. » Ce fut au moment où elle ne l'attendait plus que la déflagration se produisit. « Restez ici !» tonna Thorne. « Voilà des heures que je m'évertue à vous joindre, que je me cogne à votre porte. Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai ?» Non, évidemment. Cela ne vous a même pas effleuré. Ophélie éloigna le cornet de quelques centimètres. Elle commençait à croire que Thorne avait bu. Vous êtes en train de me crever l'oreille. Vous n'avez pas besoin de crier, je vous reçois très bien. Pour votre gouverne, midi n'a pas encore sonné. Nous venons tout juste de nous réveiller. Midi ? Répéta Thorne interloqué. Comment ? « Nom de nom, peut-on confondre midi et minuit ?»« Minuit ?» s'étonna Ophélie. « Minuit ?» reprirent en chœur Bérénilde et Roselyne derrière elle. « Vous n'êtes donc au courant de rien, vous dormiez pendant tout ce temps ?» La voix de Thorne était hérissée d'électricité statique. Ophélie se cramponna au combiné, il n'avait pas bu. C'était bien plus grave que cela. « Que s'est-il passé ?» chuchota-t-elle. Un nouveau silence emplit le téléphone si long qu'Ophélie crut que la communication était coupée. Quand Thorne reprit la parole, sa voix avait retrouvé son intonation distante et ses accents durs. « Je vous appelle depuis le cabinet d'Archibald. Comptez 3 minutes, le temps que je monte vous rejoindre. N'ouvrez pas votre porte avant. » « Pourquoi, Thorne? Que se passe-t-il ? » « Freyja, Godefroy, le père Vladimir et les autres, » dit-il avec lenteur. « Il semblerait qu'ils soient tous morts. »